21-33, observation, un corps du participe passé, auxiliaire, avoir. Un, Robert a invité Hubert. Il l'a invité. Il a invité Mireille. Il l'a invité. Il a invité Mireille et Hubert. Il les a invités. Il a invité Mireille et Colette. Il les a invités. Notez les points suivants. Les verbes des phrases 1 à 8 sont tous au passé composé. L'auxiliaire est « avoir ». Dans les phrases 1, 3, 5 et 7, l'objet direct est placé après le verbe. Les participes passés, invités, dans les phrases 1, 3, 5 et 7, sont tous identiques. Il n'y a pas d'accord. Mais dans les phrases 2, 4, 6 et 8, l'objet direct, l'apostrophe, les, est placé avant le verbe. Les participes passés ne sont pas identiques, il y a accord. Dans 4, le participe passé, invité, est au féminin singulier. Dans 6, le participe passé, invité, est au masculin pluriel. Dans 8, le participe passé, invité, est au féminin pluriel. Donc, les participes passés s'accordent avec l'objet direct placé avant le verbe. Remarquez que dans ce cas, la prononciation est la même pour invité, invité avec un E, invité avec un S et invité avec ES. Mireille a mis son pull blanc. Elle l'a mis. Elle a mis sa jupe rouge. Elle l'a mise. Remarquez que dans ce cas, la prononciation est différente. Dans « mis », le « s » n'est pas prononcé. Dans « mise », il est prononcé comme « z », comme un « z ».